Je suis allé à un concert de E-Hop. De E-Hop. E-Hop. E-Hop. De hip-hop. Ah, voilà. Oh là là. Voilà. On a la sirène là maintenant, ça y est. De E-Hop. J'avais pas compris. De E-Hop. Il chantait quand il y a yaourt. Bon, alors commence là, Boris. De hip-hop. Alors vas-y, alors vas-y. Je suis allé à un concert de hip-hop de légumes. Ah, de légumes. Ah, ouais. Et j'ai vu une carotte rappeur. Carotte je crois que ça serait... Hein, parce qu'il l'allume, oui, oui. Mais je crois que ça serait plus drôle si tu disais « j'ai vu une carotte râpée ». Ah, non. Hey.